suis assis depuis longtemps derrière la porte où je vais entrer. Dépasser l'année, dépasser l'année en s'enivrant le plus longtemps. Dépasser le passé, moi j'ai le cœur ailleurs. Je me lève, je ne sais pas danser au bal de la nouvelle année. Si c'est un enterrement, j'ai oublié de me maquiller, enfiler mes chaussures à talons, étaler mes brillants. J'ai moi la mine réjouie d'avoir perdu un an de plus. Chaque année je me promets de plus en plus. Je me lève là. Je viendrai me coller à tes reins. Ta peau m'attire à présent. Je t'enlève, je ne sais pas danser. Au bal de la nouvelle année, je ne sais pas danser.